لم يحول يحول يحول لم يحول طبيب عمر إلى المستشفى. نعم. فحص الطبيب عمر لم يفحص الطبيب عمر. نعم. طيب. بعد التمرين الثاني قلنا نزيد سن. يتصل إبراهيم إبراهيم بالإسعاف اليوم. سيتصل إبراهيم بالإسعاف اليوم. نعم. يحول الطبيب عمر إلى المستشفى. سيحول الطبيب عمر إلى المستشفى. يفحص الطبيب عمر اليوم. سيفحص الطبيب عمر اليوم. نعم. يلزم عمر سرير المستشفى اليوم. سيلزم عمر سرير المستشفى اليوم. يشعر عمر بالشفاء اليوم. لا بالسسين. بالشفاء اليوم. نعم. سيشعر عمر بالشفاء اليوم. يخرج عمر من المستشفى اليوم. سيخرج عمر من المستشفى اليوم. يعود عمر إلى السكن اليوم. سيعود عمر إلى السكن اليوم. إلى السكن اليوم. يزور عثمان عمر اليوم. سيزور عثمان عمر اليوم. طيب. ولا خمسة يشعر عمر بالشفاء. سيدير يسون كي بغير. يسون غير. طيب ننتقل إلى الدرس الآتي. ما زلنا في الوحدة الخامسة والآن سندخل في الدرس السادس عشر. زيارة عمر في المستشفى. La visite de عمر à l'hôpital. طيب كلمة جديدة. أجرى يجري. أجرى يجري. لا dans le nas أجرى يجري. Qu'est-ce qu'il veut dire principalement dans par rapport au texte. Il est où là? Il y a ni mana amila. Là dans le texte, c'est mana amila. C'est faire en fait. Parce qu'à la base, jara c'est courir. Et jara ça pourrait être faire courir ou quoi, mais là c'est pas ça qui apparaît. Donc le sens que ils veulent c'est amila. Fa'ala. Tahlil. Jam tahalil, c'est analyse. Une analyse. Comment ça veut dire que ça donne Masalan, tahlil ou dam, une analyse de sang. Donc tahlil, là, c'est une analyse, examen. Examen sanguin. Demun, sang, c'est le sang. C'est le sang. مختبر لابوراتوار. C'est un lieu d'examen en fait, mais là ils veulent le laboratoire.

يتناولوا المريض حبة, que le malade prend un cachet. Maintenant, on fait tourner en jam, le mafoul bihi, on le met en jam. Maintenant, ça va être quoi? يتناولوا المريض حبات, طيب, حبات بالكثرة. Donc toutes les phrases là, on va se nous jam miroir, on va les mettre en jam. أولا يقرأ الطالب صفحة, l'étudiant lit une page. كيف تقول بالجم؟ يقرأ الطالب صفحات. الحركة؟ صفحتين. نعم. كونس الحركة. يقرأ الطالب صفحتين. صفحات. صفحات. لا justement lui tu vas mettre tu mets une fatha sur le fa. Il change un petit peu celui-là. صفحات. صفحات. C'est pas صفحات, c'est صفحات. يقرأ الطالب صفحات. نعم. Lui c'est spécial, tu vois, c'est pas tous qui font ça. ثانيا تأخذ الطالبة ورقة, l'étudiante prend une feuille. Qu'est-ce que tu as dit? تأخذ الطالبة ورقة. طالبة ورقات. نعم. ثالثا يمسح إبراهيم سبورة, إبراهيم يفرش التابلو. يمسح إبراهيم سبورات. نعم. رابعا يشاهد محمد سيارة, محمد contemple une voiture, regarde une voiture. يشاهد محمد سيارات. نعم. خامسا اشترى سليم كراسة, سليم اشترى كرني. اشترى سليم كراسة. ثالثا يسكن الطلبة حجرة, طلبة سي كوا عندك الطلبة؟ أيوة سي الفريال دي لد طليب. أحسنت. دونك لي ستوديون أبيت دون اون بيس اون شامبر, كيف تقول؟ يسكن الطلبة الطلبة يا بنات يسكن الطلبة حجرات. نعم. طيب ثامنا املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمات المناسبه مما يلي. دونك لا يفو remplir les trous avec les mots suivants. عندنا شفاك الله كانت جاهز, العضل لو موسكل, نتيجه ريزلتا, ظهرت ابايتر. الجمل هي اخذ عمر فراغ التحليل وذهب الى الطبيب. دونك عمر ابري لو موامتر d'examen et est parti chez le médecin. Fanien, قال الطبيب لعمر فراغ عندك مراريا في الدم. Donc le tabib a dit à Omar quelque chose dans ton sang, la malaria. Thalithan, قرر الطبيب لعمر حقنة في فراغ كل يوم. Donc le tabib, le médecin a prescrit à Omar une injection dans chaque jour. رابعا قال الطبيب لعمر et que le médecin dit عمر فراغ et toi tu mets le truc qui convient. Voyez donc l'Iqra on prend maintenant ou ça fait grosse tête? Hein? Moi, c'est là, là, c'est pas on a un petit namchi ou la reste, après c'est pour le traîner. Hein? Yakshik? Taïeb, ça n'a qu'il faut n'arriver. L'Israël? Ah si, en Israël. Tout le monde a qu'il n'y a pas. في ثلاثة مرينات لغد. نعم اتصلنا بالإسعاف الهاتفية ليأخذه للطبيب. par téléphone. Tu peux en dire hatifiyan, mais là il est dormi pour préciser. Parce que tu as ça là, comme je dis à Daoud, À la base, ça peut avoir d'autres sens. Tu vois, le tissage, c'est pas forcément. Parce qu'à la base, c'est un mot d'avant, il n'y a pas de téléphone avant. Donc tu peux dire Ettasaltu bihi, Masalan, Kitabatan, par écrit. Ah oui. J'ai correspondu avec lui par écrit, par exemple. Et là, dans... C'est faire un lien en fait, il t'en sort de faire un lien avec quelque chose. C'est pour que... Le secours le prenne et l'envoie, l'emmène chez le médecin. Ah d'accord. L'ambulance, voilà. Non, quand tu dis Sayrat al-Ishaf, c'est l'ambulance. ربما غدا سنقول إقراء والنص كاملا باسكو إقراء tout seul il est petit et le nas le dans sa poussée il est court il a pas de إقراء lui donc on va les mettre ensemble inshallah des fois t'en as qui l'ont des fois qui l'ont pas et quand on dit des fois matah hadatha zari il dit ça en matah hadatha zari c'est à dire qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce que c'est passé ouais, et je vous conseille pour je pense que c'est Badradin. Entourage, Ahkam al-Adad, min al-Kitab al-Awwal. L'imam Qaddarasa. C'est celui qui a déjà pris les règles des chiffres, Kitab al-Awwal, qui les révise. Parce que ça va revenir là, dans deux cours. Et wa mouhib, annafal ma'akum, kanakum mat'alim, wala chay. Je vais pas le faire comme si vous savez rien du tout. Inch'Allah, vous avez déjà pris des bases. Là, c'est une mouraja. Donc révisez-les maintenant, comme ça vous êtes. Préparé. Vous voyez ? Et puis lorsqu'il y a du Zayd, des choses qui ne sont pas dans le Kitab al-Awwal. C'est pas contraire parce que j'ai été pris. Vous voyez ? Plus on passe rapidement pour s'en rappeler, pour pouvoir se centrer sur le nouveau. Inch'Allah. Vous voyez ? Non. Alors, Allahumma, walhamdulillah, rabbil alamin.